Le 11 sont arrivés à Pyongyang par vol et par train des personnalités étrangères pour participer au 5e festival international en l'honneur des grands hommes de San. Ce sont le co-président du comité préparatoire international du rendez-vous en l'honneur des grands hommes de San 2017, Viktor Petrov, président de l'association russe pour l'amitié et la coopération culturelle avec la République populaire démocratique de Corée et sa suite, le co-président Helmi El-Hadidi, président de l'Organisation de solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, Lourdes Cervantes, secrétaire générale de cette organisation, le président du comité national népalais à la mémoire du président Kim Il-sung et du camarade Kim Jong-il, Maïna Li, secrétaire générale du comité central du Parti communiste népalais marxiste-léniniste et sa suite, le secrétaire général du comité préparatoire national pakistanais pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de San 2017, Javed Ansari, secrétaire général de la succursale à Karachi de l'association d'amitié Pakistan-Corée, le secrétaire général du comité préparatoire national indien pour le dit rendez-vous, Sunit Chopra, secrétaire général de l'association d'amitié Inde-Corée de toute l'Inde, la délégation du comité préparatoire mongol pour le dit rendez-vous conduite par son président Rombo, le président du comité préparatoire birman pour le dit rendez-vous Tintun, directeur de l'Institut de la médecine d'homothérapie de Myanmar, la délégation de l'association d'amitié Laos-Corée conduite par son président Pan Noimani, Ung Hong, administrateur de la compagnie limitée d'investissement international Globe du Cambodge, Dizeng Tai, administrateur général de la compagnie limitée de la culture Dizeng Chang de Beijing et sa suite, le secrétaire général du comité préparatoire philippin pour le dit rendez-vous Norma Binas, vice-président du comité philippin de solidarité pour la paix et la réunification dans la péninsule coréenne, le président du cercle d'études de la politique de Sengun du Bangladesh, Jahangir Khan, Vitaly Ribejev, président du comité préparatoire du groupe russe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée pour le dit rendez-vous et sa suite, Gennady Astahov, rédacteur en chef du homepage internet russe Bannière du Bektou, Grammy Gogia, écrivain russe, Sergei Jibatu, rédacteur en chef de la revue biélorusse Éducation sociale et sa suite, la délégation préparatoire britannique pour le dit rendez-vous conduite par son président Domot Hudson, le coprésident du comité préparatoire national roumain pour le dit rendez-vous Basile Lecotouche, secrétaire général de l'association d'amitié Roumanie-Corée, la délégation du comité préparatoire bulgare pour le dit rendez-vous conduite par Maya Boneva, la délégation du comité préparatoire belge pour le dit rendez-vous conduite par son président Joseph Bossuit, le président du comité préparatoire islandais pour le dit rendez-vous John Aruni Haldorsson, secrétaire général de l'association de la culture et de l'amitié Islande République populaire démocratique de Corée, Manfred Schneider, chef du cercle allemand d'études de la culture coréenne, le vice-président du comité préparatoire tchèque pour le dit rendez-vous Joseph Serbistin, sous-secrétaire général du comité central du Parti communiste tchécoslovaque, la délégation du comité préparatoire du Luxembourg pour le dit rendez-vous conduite par son secrétaire général Charles Doerner, le président du comité préparatoire chypriote pour le dit rendez-vous Adamos Kanchantonis, président de l'association de la culture et de l'amitié Chypre-Corée et sa suite, la délégation du comité préparatoire équatorien pour le dit rendez-vous conduite par son vice-président Julio Ballesteros Espin, le maire de San Miguel de la province de Bolívar, Équateur, Simon Yanes Olalia, le président du comité équatorien pour la réunification indépendante et pacifique de la Corée, Daniel Alvarez Selly et sa suite, le président du comité préparatoire haïtien pour le dit rendez-vous, Noël Steve, président de l'association de la culture Haïti-Corée, la déléguée du comité préparatoire brésilien pour le dit rendez-vous, Rosanita Campos, vice-présidente du parti pour la patrie libre du Brésil, le vice-président du comité préparatoire guinéen pour le dit rendez-vous, Adlaï Diallo, président de l'association d'études littéraires des États du Jutsé de Guinée, l'écrivain argentin Jorge Luis Ubertalli, le coprésident du comité préparatoire international pour le dit rendez-vous, Damien Ogbona, président national du Parti progressiste du peuple du Nigeria et sa suite, Christian Pibetta, président du comité préparatoire italien pour le dit rendez-vous, et Oliver Yonischkait, délégué du comité préparatoire autrichien pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017.